veille par l'âme de Dieu, qu'il veille par l'âme de Christ. Tout s'est accompli dans la version de Christ, accordant l'amour pour nous, au revu de son esprit, par l'âme d'appel divin, participant de sa gloire, joyeux de sa couronne. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps j'étais si chargé, son nom est plus doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Jésus m'a libéré. Jésus est dans son avis, devenant dans son esprit, parlant du Seigneur, version de son temps, pour coucher la vie en Christ. Du Christ versant sa parole, du temps versant l'esprit, car il vient remplir sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps j'étais si chargé, son nom est plus doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré. Jésus est dans son avis, l'esprit de sa commission, l'esprit du Seigneur, la parole de l'heure, au temple du Saint des Saints, au revu de son retour, parlant d'appel divin, participant de sa gloire, nous le rencontrerons là-haut. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps j'étais si chargé, son nom est plus doux pour moi. Mon âme était plus que nuit, mais tout s'est envolé. Maintenant j'écris victoire, car Jésus m'a libéré.